Selon Yonhap News de Corée du Sud, 2550 personnes, y compris les habitants de l'arrondissement de Songju et de la ville de Kincheon, de la province du Gyeongsang du Nord, ont déposé une plainte au tribunal constitutionnel contre la disposition du SAD des États-Unis et des autorités sud-coréennes. Le comité de lutte de Songju pour le retrait de la disposition du SAD, le comité de mesure des stadiens de Kincheon contre la disposition du SAD, l'Action nationale contre la disposition du SAD et autres formations ont tenu le 6 coron une conférence de presse devant le tribunal constitutionnel avant d'y déposer la requête. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen MinPlus a annoncé que le même jour, le comité de lutte de Songju pour le retrait de la disposition du SAD, le comité de mesure des citadins de Kincheon contre la disposition du SAD, le comité de mesure extraordinaire pour la sauvegarde de la terre sacrée de Songju du bouddhisme Won et l'Action nationale contre la disposition du SAD ont tenu une conférence de presse devant l'ambassade américaine à Séoul pour exiger le retrait du déploiement du SAD et la décision du gouvernement américain en sa faveur.